It's My Life, Bon Jovi sur RGM, presque 8h37. On est toujours dans la matinale et on va parler anniversaire. Ils sont nés un 14 novembre 1948. C'était la naissance de Charles de Galles, le prince royal britannique. D'ailleurs, à l'occasion de son 70e anniversaire, eh bien, Kensington a publié des photos hier de la famille royale où on peut voir le prince Charles avec sa femme Camilla, avec George Charlotte sur les genoux, et derrière il y a William et Kate avec le petit Louis dans les bras, et également Harry aux côtés de Meghan Markle. Voilà deux photos qui ont été publiées et qui sont d'ailleurs très jolies, hein, de cette famille royale britannique. 1952, naissance d'Alec John Such, bassiste américain qui fut membre du groupe Bon Jovi de 1983 à 1994. 1953, naissance de Patrick Sébastien, animateur télé, chanteur, producteur français, qui a présenté Surprise, Surprise, Le Grand Bluff, qui avait fait un carton d'audience d'ailleurs, qui détient d'ailleurs toujours le record de téléspectateurs, animé le plus grand cabaret du monde. Il y a encore quelques épisodes à voir avant l'arrêt de la saison, tout comme Les Années Bonheur. Et il est chanteur, hein, donc on lui doit Le Petit Bonhomme en Mousse et bien d'autres, et on va s'écouter un petit extrait des Sardines. Allez, c'est parti. Pour faire une chanson facile, facile, faut d'abord les paroles débiles, débiles, une petite mélodie qui te prend bien la tête, et une chorégraphie pour bien faire la fête. Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6 ou 7, et on se colle tous ensemble en chantant à tue-tête. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines, chante les sardines. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte, chante les sardines entre l'huile et les aromates. Ah, qu'est-ce qu'on... Voilà pour les sardines, ça suffit. Allez, on continue les anniversaires. 1954, naissance de Bernard Hinault, ancien coureur cycliste français, ayant fait carrière de 1975 à 1986, champion du monde sur route 1980, champion de France sur route 1978, champion de France de poursuite en 1975 et 1976. Il a remporté 10 grands tours, 5 tours de France 1978, 79, 81, 82, 85, 3 tours d'Italie en 1980, 82 et 85, et 2 tours d'Espagne en 1978 et 1983. Vainqueur du classement par points du Tour de France 1979, meilleur grimpeur du Tour de France 1986, classement du combiné du Tour de France 1981 et 82, prix de la combativité du Tour de France 81, 84 et 86. Il a remporté 41 étapes sur les grands tours, 28 sur le Tour de France, 6 sur le Tour d'Italie et 7 sur le Tour d'Espagne. Il a remporté également Liège, Bastogne-Liège en 1977 et 1980, Paris-Roubaix en 81 et la Flèche Wallonne en 1979 et 1983. 1959, naissance d'Antoine Duléry, acteur français vu dans Les Misérables de Claude Lelouch, homme-femme, mode d'emploi, meilleur espoir féminin dans le rôle de Stéphane, Brice Denis dans le rôle de Mickey la Légende, Camping 1, 2 et 3 dans le rôle de Paul Gatineau, De l'autre côté du lit, Salaud on t'aime, Chacun sa vie, ou encore à la télé dans Les Petits Meurtres d'Agatha Christie dans le rôle du commissaire Jean Larosière. C'est également l'année de naissance de Paul Attanasio, producteur télé et scénariste américain qui l'on doit à la série télé Dr House. 1961, naissance de Nagui, animateur radio, télé, producteur français qui présente Taratata, qui a présenté N'oubliez pas votre brosse à dents, qui présente Tout le monde veut prendre sa place, ou encore N'oubliez pas les paroles. 1962, naissance de Laura San Giacomo, actrice américaine vue dans la série télé Saving Grace dans le rôle de Retta Rodriguez, NCIS Enquête Spéciale dans le rôle du docteur Grace Confalone, ou encore Grey's Anatomy. 1963, naissance de Stéphane Bern, journaliste, animateur radio et télé français qui a présenté Saga, Secret d'Histoire, Comment ça va bien, et depuis octobre 2018, il présente Bon Baiser d'Europe, et j'ai eu l'occasion de regarder cette émission. C'est le samedi lundi après-midi et c'est franchement pas mal. On en apprend sur les villes européennes. C'est très bien, très instructif. Et ça donne envie de voyager d'ailleurs. 1972, naissance de Josh Duhamel, acteur américain, connu pour son rôle du colonel William Lennox dans Transformers 1, 2 et 3, ainsi que Transformers The Last Night, vu dans Bébé Mode d'emploi, Happy New Year, la série télé Las Vegas, dans le rôle de Danny McCoy. Il reprend d'ailleurs ce rôle dans quelques épisodes de Preuve à l'appui quand les séries se sont croisées. 1973, naissance de Betsy Brandt, actrice américaine, connue pour son rôle de Mary Schrader dans la série télé Breaking Bad et son rôle de Joanna Gibson dans Private Practice. C'est également l'année de naissance de Matt Cedeno, acteur américain, connu pour son rôle de Brandon Walker dans la série Des jours et des vies et celui d'Alejandro Rubio dans Defious Maids. 1975, naissance de Travis Barker, musicien américain, batteur du groupe Blink 182. 1977, naissance de Brian Dietzen, acteur américain, connu pour son rôle de Jimmy Palmer dans la série télé NCIS Enquête Spéciale. 1978, naissance de Delphine Chanéac, actrice française, vue dans Brise de Nice dans le rôle de Marjorie, dans les téléfilms Laura dans le rôle de Laura Fontane, L'amour vache et L'amour encore plus vache dans le rôle de Lily, Demain je me marie dans le rôle de Manon, à la télé dans la série La vie devant nous dans le rôle de Pauline, la série télé Le Transporteur dans le rôle de Juliette Dubois, Camping Paradis et dans Demain nous appartient où elle a interprété le rôle de Lily Paquin. 1979, naissance d'Olga Kurylenko, actrice et mannequin ukraino-française qui a interprété une James Bond girl dans Quantum of Solace, le rôle de Camille, et vue également dans Oblivion dans le rôle de Julia. 1981, naissance de Russell Tovey, acteur anglais, vu dans la série télé Mude sur les rivières du Mississippi, Being Human, la confrérie de l'étrange dans le rôle de George Sands, Quantico dans le rôle d'Harry Doyle, Flash dans le rôle de Ray Terrill alias The Ray, rôle qu'il reprend d'ailleurs dans Legends of Tomorrow. 1984, naissance de Vincenzo Nibali, coureur cycliste italien professionnel depuis 2005, champion d'Italie sur route 2014 et 2015. Il a remporté le Tour d'Espagne 2010, le Tour d'Italie 2013 et 2016, ainsi que le Tour de France 2014, Milan-San Remo 2018, 13 étapes sur les grands tours, 5 sur le Tour de France, 7 sur le Tour d'Italie et 1 sur le Tour d'Espagne. 1993, naissance de Samuel Umtiti, footballeur français qui a joué de 2012 à 2016 à l'Olympique Lyonnais. Depuis 2016, il joue au FC Barcelone. 1996, naissance de Borna Koric, joueur de tennis croate professionnel depuis 2013, meilleur classement ATP, 12e place atteinte le 5 novembre dernier, 8e de finaliste à l'US Open, 16e de finaliste à Roland Garros, 32e de finaliste à Wimbledon et 64e de finaliste à l'Open d'Australie. 1997, naissance de Christopher Nkoukou, footballeur français professionnel depuis 2015 qui joue pour le Paris Saint-Germain depuis cette année-là. En 2014, décédé Glenn Albert Larson, scénariste producteur américain, à qui l'on doit les séries Galactica, Magnum, L'homme qui tombe à pic, K2000, Battlestar Galactica ou encore Le retour de K2000. Et en 2016, décédé Holly Dunne, chanteuse américaine de musique country. Allez, on passe aux sorties cinéma. Comme tous les mercredis, on commence avec Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald, un film fantastique de David Yates avec Eddie Redmayne, Catherine Waterston, Dan Fogler, Jude Law ou encore Johnny Depp. Autre film, Les Chatouilles, un drame d'Andrea Bescon et Éric Métayer avec Andrea Bescon, Karine Viard ou encore Clovis Cornillac. Autre film, Suspiria, un film d'épouvante, d'horreur de Luca Guadagnino avec Dakota Johnson, Tilda Swinton ou encore Mia Goth. Autre film, Millennium, Ce qui ne me tue pas, un thriller drame de Fede Alvarez avec Claire Foy, Sverrir Gunnarsson et Sylvia Hawkes. Autre film, c'est un film d'animation, Arthur et la magie de Noël. Et on termine avec un documentaire Coldplay, A Head Full of Dreams, documentaire sur la vie du groupe Coldplay sur les 20 dernières années. Voilà pour les sorties cinéma, on va tout de suite marquer une pause musicale avec le groupe Blink 182 et leur titre All the Small Things. All the small things, true care, true groupe Blink 182 sur le 107FM, un peu plus de 8h49, on fait un point météo. La météo. Alors ce matin il y a du brouillard et il peut être épais par endroits, donc soyez tout de même vigilants. Sinon on a des nuages, mais on devrait quand même voir le soleil aujourd'hui. Des températures fraîches, hein, elles ont bien descendu, elles sont comprises entre 2 et 3 degrés ce matin. Elles seront comprises entre 11 et 13 degrés cet après-midi. Jeudi, belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 10 et 12 degrés l'après-midi. Et pour vendredi, du soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre 3 et 4 degrés le matin, entre 8 et 10 degrés l'après-midi. Voilà pour la météo, on file maintenant vers l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Alors, petite actualité sportive. Hein. Ce matin, on commence avec le tennis et le Master de Londres, où Kevin Anderson n'a fait qu'une bouchée hier de Kei Nishikori. Il s'est imposé en 2-7, 6-0, 6-1. Roger Federer s'est imposé en 2-7 face à Thiem, à 6-2, 6-3. Dominic Thiem mal embarqué hein, dans ce Master de Londres qui est déjà à 2 défaites. Aujourd'hui, Djokovic affrontera Zverev et Cilic sera opposé à Isner. Et en ce qui concerne la Coupe Davis, eh bien, Yannick Noah ne change pas ce qu'il a décidé. Il fait toujours confiance à Lucas Pouille, Joe Wilfried Tsonga, Jérémy Chardy, Nicolas Mahut et Pierre Gerber pour disputer la finale. Pas de joker appelé pour l'instant, mais il a déclaré hein, d'ailleurs en conférence de presse qu'il était encore temps, hein, si besoin en était un petit peu plus tard, de faire appel à d'autres joueurs. Il a même donné des noms, que si c'était en simple, ce serait plutôt Benoît Paire qui serait appelé en renfort, et en double, ce serait eh bien plutôt Julien Beneteau. Donc voilà, affaire à suivre, mais bon, espérons qu'il n'y ait pas de nouveau de blessés hein, dans cette équipe de France pour disputer cette finale contre la Croatie. Allez, on termine avec le basket, le petit résultat. Résultat de NBA, cette nuit l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum et Tony Parker s'est inclinée face à Cleveland 113 à 89, 11 points pour Batum, 9 pour Tony Parker. Voilà pour l'actu sportive, on va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec la chanteuse Holly Dunne et son titre Daddy's Hands. Steal when I've done wrong. was soft and kind when I was crying. Daddy's hands were hard as steel when I'd done wrong. Daddy's hands were always gentle, but I don't understand. There was always love in Daddy's hands. Holly Dune sur RGM, il est un peu plus de 8h55 et c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, eh bien on va faire un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera Regarde ailleurs, 10h, les ados de l'IME de Saint-Amé, 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou, 16h, rediffusion des oreilles du monde avec Camille, 18h, l'heure des loups avec Lou, 19h, ce qu'il faut savoir avec Antoine, et nous, eh bien on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.